sort à l'unisson, comme un cellage, dans mes pensées, dans mon lit, dans mon siège, ta liberté étincelle. Dessine-moi une guitare, mets-lui de grandes ailes, caricature pour moi ce solo immortel. Au rythme de mon cœur, je marche dans ma vie, et Paris marche et pleure entre soleil et pluie. Ses yeux pleins de silence, on les connaît par cœur. La vie est une danse, une valse grande sœur. Je suis du air, il est nous sommes à l'unisson, comme un seul âme. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Patrick Pelot. Bonjour Fabrice Drouel. Et merci d'être venu jusqu'à nous pour témoigner. Je sais que ça ne va pas être forcément facile parce que ça a été... traumatisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous n'oublions pas les victimes du magasin Kacher, bien sûr. Nous n'oublions aucune victime, mais nous allons quand même polariser cet entretien autour de ce qui s'est passé le 7 janvier à Charlie Hebdo, rédaction dont vous faisiez partie, je le rappelle. Et moi, je voudrais que vous nous donniez votre récit personnel de cette matinée du 7 janvier, même si c'est un peu douloureux, je vous le demande. Non, d'abord, c'est important de le dire parce que je sais que vous étiez très attaché au journal, donc c'est important de raconter comment ça s'est passé. Comme tous les mercredis matins, il y avait la conférence de rédaction qui était un petit peu, comment dirais-je, un peu un rendez-vous annuel parce que c'était la conférence de rédaction après les fêtes du jour de l'an. Et donc, normalement, tout le monde devait y venir. Je devais y venir, mais il se trouve qu'il y avait une réunion avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers où je devais aller pour négocier l'avancée sur des nouveaux décrets pour gérer les secours en France entre les pompiers, les SAMU, etc. Et donc, je suis allé à cette réunion. J'ai appelé Charbe le matin, comme je faisais quasiment tous les jours. Et puis j'avais dit, je passerai, la réunion va durer vers midi, je lui avais dit, mais je passerai bouffer avec vous tous, parce que bonne année, quoi. Voilà. Et en fait, vers à peu près 11h23, 11h25, Jean-Luc, qui est graphiste au journal, m'a appelé, et bon, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il m'appelle à cette heure-ci, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, il m'appelle jamais, et puis là, je savais qu'ils étaient en conférence de rédaction, je ne voyais pas de raison qu'il m'appelle. Et là, comment dire, c'est que d'un coup, j'ai entendu une voix de quelqu'un très, très, très anxieux. Parce que ça, avec la formation que j'ai au niveau du SAMU, de répondre au téléphone, on peut vraiment faire de la sémiologie clinique par la voix, en fait. J'ai senti que ça allait pas. Il m'a dit, viens, on nous a tiré dessus, à la Kalachnikov, tout le monde est par terre. Et en fait, il se trouve que j'étais à 400 mètres du journal, et j'avais absolument tous les représentants les plus importants, des pompiers de Paris aussi, avec le commandant Tourtier. Et donc, je leur ai dit, écoutez, il vient d'y avoir un attentat, on y va. Donc, on s'est tous levés. Moi, j'ai pris ma moto, j'ai remonté à sens interdit vers le boulevard Richard Lenoir. Là, il y avait de gros embouteillages, parce que les frères Kouachi étaient en train d'abattre Merabé, le policier. Mais moi, j'ai pas entendu les tirs de Kalachnikov, parce que j'avais mon casque de moto. Le commandant Tourtier était derrière moi, sans casque, ils ont entendu. Et donc je suis arrivé à rue Nicolas Appert où il y avait déjà un VSAV, c'est-à-dire un véhicule de pompiers qui était arrivé, et je suis rentré dans l'entrée en bas. Et là, juste sur la gauche, il y avait déjà une première victime qui avait 2 balles dans le thorax, 1 balle dans le ventre, qui était en arrêt cardiaque. Et je me suis retourné et il y avait un des jeunes journalistes, des brillants de l'agence Première Ligne qui était là. Et je lui ai dit, est-ce qu'ils sont montés? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, et alors? Il m'a dit, il faut y aller tout de suite. Et donc, je suis monté sans réfléchir, en fait, s'il y avait d'autres terroristes ou un risque, etc. J'ai pensé qu'il y a une chose, c'est monter pour aller porter secours. Alors, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, quand j'ai monté les étages, il y avait des traces de pas de sang. C'est-à-dire que plus je montais, les traces de pas de sang n'étaient pas en bas, mais plus je montais, plus évidemment, comme ils étaient redescendus avec les chaussures pleines de sang, plus je montais, plus il y en avait, en fait. Donc j'ai toqué, et là, la porte s'est ouverte, et ça a commencé comme ça, le carnage, en fait. Est-ce qu'il existe des mots pour vraiment transmettre ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Bah, pour moi, les mots sont des mots de guerre, d'horreur. Quand je suis rentré à ce moment-là, je suis rentré en enfer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 2 grosses fractures. J'ai complètement dissocié mon cerveau quand je suis rentré dans Charlie pour secourir mes camarades. Et j'étais avec le téléphone et en fait, je transmettais les indications en disant cela, il y en avait 4 blessés graves et de dire il faut immédiatement 4 salles de réveil, 4 blocs opératoires, un spécialiste ORL et du maxillofacial, un spécialiste du ventre, un spécialiste de chirurgie thoracique et un spécialiste sur le rachis. Et donc, on a anticipé. En anticipant, c'est ce qui s'est passé notamment pour les attentats du 13 novembre, en anticipant, on peut sauver des gens. Et après, bon... je suis un urgentiste, hein, bête et méchant, on va dire. Hein. C'est-à-dire que d'un coup, il arrive quelque chose, je dois prévenir la hiérarchie la plus adaptée. Quand je suis rentré dans Charlie, que j'ai vu ce carnage, ces balles, ces armes de guerre, ce brouillard qui flottait encore de la chaleur, de la poudre et des armes, cette odeur, et puis de voir tous ces cadavres, je me suis dit, on attaque la France. C'est vraiment au-delà de tout. Je sais pertinemment comment fonctionnent les réseaux de l'État en termes d'alerte. D'accord. Oui, vous êtes bien passé pour ça. Voilà. Et je sais que des fois, ça prend son temps. Bon, bah voilà, j'ai appelé le standard de l'Élysée et j'ai dit, voilà, je suis le docteur Peloux, il faut prévenir le président qu'il se passe un attentat odieux, etc. Donc j'ai prévenu. Après, son secrétariat a pris le message et il m'a rappelé et il m'a dit, bah, j'arrive tout de suite. Nous sommes dans une société de l'image, ça ne vous a pas échappé. On a beaucoup focalisé sur votre rapport avec le président de la République, François Hollande, depuis cette étreinte avec lui lors du rassemblement du 11 janvier. Qu'en est-il exactement? De vos rapports avec lui? On peut pas dire qu'on est... j'admire et je trouve que c'est un très bon président de la République. Bon, parce que nous sommes dans une époque de guerre et parce qu'il a pris de bonnes décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Mais... D'accord, mais cette étreinte, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il a voulu vous dire? Rien n'était prévu. Parce que ça a été un grand bordel. D'accord? On savait qu'il y avait tous les chefs d'État qui venaient. Nous, on nous a mis en première ligne avec les victimes de l'hypercacher. Donc, on était tous devant. Ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, quelqu'un est arrivé avec des brassards marqués Charlie Hebdo en disant « il faut les mettre pour vous repérer ». Moi, je me suis retrouvé, Luz, c'est le premier à avoir mis ça en bandeau autour des cheveux. Moi, j'ai fait pareil. Parce que je me suis dit « tiens, c'est con, tu vois, on va faire comme ça ». Voilà, rien n'était prévu. Puis on a marché, on est arrivé place Voltaire, Léon Blum, plus exactement. Et donc, on était là, on nous a mis en enfilade. Il y a eu un mur gigantesque de toutes les caméras du monde. Et on nous a dit « ils vont venir vous saluer ». Mais on savait pas qui. Voilà. Puis d'un coup, on a vu le président arriver, serrer des mains et tout. Il a serré la main à Luz, et moi j'étais donc sur la droite du président, et là j'ai vu un petit oiseau qui a fait une petite crotte. Voilà, plouf, comme ça. C'est bizarre, hein. Voilà. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, merde, ça la fout mal. Je me suis dit, merde. Ça, j'étais accablé, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce cirque? Je suis sûr que c'est Charb qui a fait ça, mais enfin bon. Et donc il s'est rapproché de moi, et donc il est arrivé, et je me suis dit, je mets la main sur l'épaule, et puis voilà, et puis ça a été l'accolade. Mais il n'y avait rien du tout de prévu. Il n'y avait rien du tout de prévu. Mais je suis très fier de cette image et de cette accolade. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il va vous falloir beaucoup de courage et il faut que vous continuiez ce journal. Quel souvenir et quel sentiment vous gardez de la journée du 11 janvier 2015, qui est encore dans toutes les mémoires? Alors, je la regarde un peu Bizarrement maintenant, parce que je pense que je me suis trompé sur l'interprétation de cette journée où, 11 janvier, l'énorme manifestation à Paris où il y a peut-être eu 6 à 8 millions, impossible de compter exactement le nombre de personnes qu'il y avait, mais vous avez eu la même chose à Annecy, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, dans toutes les villes même de France, même des coins perdus. Les gens sont sortis comme ça pour dire... On est ensemble. D'abord, premièrement, c'était pas pour dire on est avec Charlie Hebdo. C'est-à-dire le slogan « Je suis Charlie » ne recouvrait pas ça. Ça a été un magnifique slogan qui était un slogan « Je suis républicain, je suis pour la non-violence, je suis pour la laïcité, etc. » Vous pouvez décliner la liberté de la presse. Liberté de la presse qui veut pas dire que la presse ou les médias font n'importe quoi. C'est la liberté pour avoir une bonne presse, vraiment de qualité, qui sauve la démocratie, qui l'aide. Bon, voilà. Je pense que ça a été aussi un réflexe du peuple de sortir pour se retrouver ensemble et pour calmer la peur. Je pense que la dimension de la peur du peuple par rapport à ces horribles attentats et à cette vague de nazis islamistes que sont Daesh, Al-Qaïda et Boko Haram et du radicalisme de l'islam, eh bien, il y a eu un réflexe pour se mettre ensemble et ne pas avoir peur. Et je pense que ça, les politiques ne l'ont pas suffisamment analysé, notamment par une démarche politique quotidienne qui fait qu'on améliore le quotidien de tout le monde. Un an après, c'est quoi l'état de vos blessures à l'âme ? En fait, j'ai beaucoup travaillé avec des psychiatres, j'ai fait beaucoup de yoga, je me suis mis à faire beaucoup de sport. Et en fait, c'est un travail. C'est-à-dire que la reconstruction est un véritable travail. C'est-à-dire chaque instant que vous faites, vous devez être dans la bienveillance de vous-même, dans la bienveillance des autres. J'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout le même. Et tout ça, ça fait que d'un coup, vous devez avoir comme vision, et ça je le recommande aux gens qui ont, notamment après les attentats récents, c'est vraiment d'être pris en charge par des thérapeutes, par des psychiatres, par des spécialistes du psychotraumatisme, ne pas lâcher la main du psychiatre, du psychotraumatique. Et le plus important, c'est le sommeil. C'est ça qui est vraiment la clé de tout. Qui répare, pour le coup. Qui répare. Et après, vous commencez à travailler. À travailler le truc. Et le plus important, c'est d'avoir un bon sommeil et de prendre les bons médicaments qui vous aident à garder le sommeil. C'est important ce que vous dites, parce que je pense à ceux qui vous écoutent et qui sont des proches, des victimes des attentats du 13 novembre. Il ne faut jamais rester dans son coin. Il ne faut pas rester dans son coin. Et après, il y a l'acceptation du drame, c'est-à-dire que je vis avec ça. Qu'avez-vous ressenti le 13 novembre ? Le 13 novembre, ce que j'ai ressenti, moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai eu une immense volonté de bienveillance et de servir. C'est-à-dire que d'un coup, j'étais chez moi, et le matin même, avec les équipes du SAMU et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il y avait eu un entraînement, ainsi qu'avec les services de police et la BRI. On avait fait un exercice, c'était exactement ce scénario. Le hasard est incroyable, et c'est la vérité. Et quand le téléphone a sonné, j'ai un collègue, le docteur Marx, qui m'a appelé en disant « Écoute, ça explose, ça se tire. » Je suis parti, je suis arrivé au SAMU à 21h45, à peu près, et on ne savait pas où on allait. Et on a essayé, et je pense qu'on a sauvé beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de blessés qui ont été très meurtris, dans leur chair, qu'il y a eu des amputations, il y a des gens qui vont avoir des handicaps, ils vont être longs à rééduquer, c'est pas rien. Et que vous dire d'autre qu'on n'a jamais vu un tel carnage. Patrick Pelloux, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Grand Corps Malade qui chante Nos Absents, chanson composée après le drame et en mémoire des victimes. Pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux. Mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles. Mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié. Chaque heure passée est une pommade. Il en faudra des milliers. Moi les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faible ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie. Grand Corps Malade sur France Inter. Dites-moi, Patrick Peloux, on connaît bien votre attachement à Charlie Hebdo, qui vous a construit au-delà de votre fonction de médecin, qui vous a construit socialement aussi. Pourquoi avez-vous quitté Charlie? Parce que mon Charlie à moi, je suis peut-être pas assez solide. Mon Charlie à moi, il a un peu disparu et quand j'écrivais, c'était difficile de faire mes textes sans charme, sans une ambiance qui a été un petit peu perdue, sans Cabu, Volinsky, Honoré, Mustapha Ourad, Elsa Kayat, et bien sûr Bernard Maris et Tinius. Et puis j'avais tellement de projets encore avec eux, c'est que si vous voulez, plus personne ne le dit, mais nous étions au travail. C'est-à-dire que il y avait Charlie, c'était une assemblée de gens extrêmement respectueux les uns des autres, d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'amour entre nous, beaucoup d'amour, c'est très fusionnel, d'accord. Des fois ça s'engueulait, mais c'était très fusionnel, on est très attachés aux uns aux autres. Et il y avait une construction humaniste, et surtout ce qui tendait, c'était d'une des dernières conversations le mardi soir avec Charles, il passait son temps à me dire « il faut que je trouve un symbole pour dire la laïcité ouais. ». Voilà. Il était sur un repère tridimensionnel, n'est-ce pas? Il était comme ça, il se disait, mais il faut défendre la laïcité. Et jamais on ne dira assez, parce que je crains qu'on les oublie, parce que vous savez très bien qu'un événement... Mais la preuve, là, on vous apporte la preuve, là. On n'oublie pas qu'il y a eu le 13 novembre, voilà, qu'il y a eu le 7 janvier, et qu'un an après, nous y sommes. Dernière chose sur Charlie, vous parlez, vous dites « mon Charlie ». Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore moins votre Charlie aujourd'hui qu'il y a un phénomène de réappropriation de Charlie, de certains cinéastes, intellectuels? Bah oui, mais ça c'est normal parce que comme ça c'est normal, ça fait partie de l'évolution. Il y en a qui essayent de récupérer le truc, voilà. Mais ça fait partie de l'évolution. Mais ce journal on a connu d'autres, et puis ce journal est suffisamment revêche pour chasser les marchands du temple, je pense. Dernière chose, Patrick Peloux, et non des moindres, quel est le regard que vous portez sur Charlie d'aujourd'hui? C'est un journal qui doit se reconstruire, qui doit mettre, à mon avis, entièrement une nouvelle équipe. Et il y a un nouveau Charlie. Je pense que ça doit se construire comme ça, parce que le pays en a besoin. Comme il a besoin du Canard Enchaîné, de Ciné Mensuel, il faut qu'on continue à rire. Il faut surtout, c'était une des chroniques de François Morel sur Inter, il ne faut rien changer, il faut continuer. Faut aimer, faut aller au théâtre, il faut écouter de la musique, il faut combattre Merci Patrick Peloux. Je précise que vous venez de témoigner dans Affaires Sensibles sur France Inter au titre de la seule interview que vous avez accepté de donner en radio pour ces journées du souvenir des attentats de janvier. Au revoir Patrick. Alors je précise aussi qu'il y a eu beaucoup de livres autour de ces trois jours tragiques de janvier 2015. Peut-être peut-on vous en conseiller un qui s'appelle « Soudain il ne riait plus » édité aux Arènes. C'est un formidable travail de quatre journalistes qui racontent précisément ces journées de janvier 2015. Je les cite car ils le méritent. Marie-France Etchegoïne, Marie-Amélie Lombard-Latune, Dorothée Moisan et Thierry Lévesque. Ils ont rencontré plus de 100 témoins et consulté des milliers de documents. Voilà, c'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, les attentats de janvier 2015, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'aventure du commandant Cousteau. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Suivre sur France Inter, Elsa Boublil, bonjour. Bonjour. Vous avez Fabrice. Dit classique et vous êtes entourée de deux jeunes femmes. On lit déjà 16 heures. Eh oui, Las Hermanas Caroni, qui sont mes invités. Puis on rendra évidemment hommage à Pierre Boulez, qui a disparu aujourd'hui. Un hommage pour commencer cette émission dans quelques instants. Très bien, tout à l'heure.